Peau de foudre. Love. LOL. LOL. No colando Michuri l'éclairer. Zina Bilao, maman a Mitline Michuri. Sur le plateau du désir, nabi bonzi na bosenga na yo. Yo ki sana bilingi na bi fenomo. Un bâton étrange au milieu de mon jardin. Non, suivir ma souffrance, son sentiment. Milka l'éclairer. Au son en allié d'entraînement, ya bolingo na yo. Bosse dur pour ma chaise à la haut. Maître Matou Mote, malanga est centré d'ake, ya bolingo à Michuri. Pour kamunda pour mériter ainsi. Lorette Bilao. Au bord de l'amour. Fais couler rivière ya bilengi, emporte nga nambonge ya caresse. Dike ma chine Tango asso. Banzo ba bolingo, ezo tsuban tsubanai. N'exprime sentiment na sifflement du serpent. Dani seke seke. Lole mona yo en circulant son libre sans roulage. Meme la na diki diki na boîte aux lettres ya motolou. Mirlen Michuri. Et sala kabe kolia bilei balami na moto yo lingaka. Jano peuple mousson. Distance et samoulaï entre paroles et amoubali. Les jeux bilano. Nalito ya moi si a fait que convaincre mon tema. Julien Tubango. Caméléo et ta kwasanga na yembang. Bertrade de Grigny. Lole monezana posta ma kouloté kanganzinzi. L'homme qu'il fallait. Mais mangana paroxysme et Michuri. Armando Vuiti. Vimisanga moli mon anzo toto comme un banjelou. Pierre Malongo Bruxelles. Rex Mboulo qu'on a suisse l'ange. Alphonse Dianzinza. PDG Tilus Henri le cerveau penseur. Adichi Mongobe. Et toi qui s'est là, n'a l'inga la terre. N'a sa trop fragile, qu'on pousse qu'il était. N'a saison n'est n'a tzoto n'a bakale. Oh oh, Gita non n'a kwebe n'a moi koni. Oh oh, Tokson de Wolo. Toketo, et l'inga la bien. Kode ma paka. Kongo nanga, et l'imanase. Chéri ma sengai, Michuri caresse moi. Chéri ma senga. Caresse no elengi Michuri no kolandu. Et tambui singa motonzo tomo mimbaye. Me mangana paradis ya bolingo. Landine longangu. Meli sangai bamfino ya bilengi. Serena loke toto bina dans amou. C'est le moment favorable et amour et son achalet. Bolingo et se propage alimenté nganzo tomo bimba no no kwembe hey. Francine Pondani. Chana Peko. Satisfais moi, miracle mae. Sepeli sangai, miracle mae. Satisfais moi, Thomas Obama. Satisfais moi, non non kwembe. Christian Inganilo Mabate. Chiga Moko. Chukelo Mboto, Yamichon Poutou. Blanchard Mouchi. Boutique Alitalia de Piero. Ya Sami Mato. Bisonyem Nene te soke ne tsova. Matiki ya koshinda bare ngai. Maître Pole Djunga chocolote ngai. Salem Service. Adel Jogo Mbagu danse. Elo Gata Demse Mousso. Jume alelo yo karese ngai. Kalingi lelo na mona to isai. Tanu Ilaya. Lama, Gislaine Senga. Kovu masola love ngai. Selingoi. Edo Musambaye, Oya Jowete. Dani Zabana, Sitya Makombo, Samira Le Grand S, Jessica Los. Nichiro kotandanga na pavion yango. Imayole, imayole. Bolingo nezo sekanga na lelaka. Yei, ya kofi banyo keswakate. Sina mote mana moto yo ndaka Serge Boula olingi yo lobanga Olivier Mundele Fabrice Boluka na tumie question a boyo répondre soko boyi na toto na na bakoloko tango na hôpital Docteur Kongolo akoloko tango na hôpital Cheta Jésus kumbanga toke ndelikolo ala kembela e Alice Baba na tela love mokaza na nyongo na ngote kuske kuta to se ngoyo ko funa ngo ni le pa chikota bolingo na si mena no no no no ele Bishop Ongongo nanga, Eni ma Manasse Richard Malongo Panader Coco di Coco, Claudine Zingané pour vaincre. Papi et Piana.